Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Telmi. L'aventure de Noël. Le mangeur d'envie. De tous les mois de l'année, décembre est un des plus magiques. Alors que la nuit prend tout son temps et que le froid vous glace le sang, tout s'illumine. Les rues, les vitrines, les gens, mais surtout l'esprit des enfants. Tous pensent à leurs cadeaux. Les souhaits se bousculent. Alors, le moment venu, ils prennent grand soin de faire leur liste pour ne pas être déçus. Pour Léo, c'est un moment important. Seulement, il n'arrive pas à se décider. Il veut trop de choses. Surtout des livres et des BD. Mais comment choisir entre les aventures d'un sorcier facétieux, l'almanach des 10 000 monstres, le journal d'une vie super chouette et tous les autres. 14 jours qu'il hésite, défait et refait sa liste. Ce matin, il est déterminé. Il va poster sa lettre avant d'aller à l'école. Assis sur la table du salon, il pose une feuille blanche qu'il inspecte d'une main experte pour s'assurer qu'elle est bien lisse, puis arme son stylo. « Cher Père Noël, je crois que ce que je veux le plus cette année, c'est... » Rien. Léo n'a plus envie de rien. De rien du tout. Il est pourtant sûr qu'il voulait vraiment quelque chose, mais c'était quoi déjà? Sur le chemin de l'école, il retrouve Baya, sa meilleure amie, qui lui demande enthousiaste. Alors, tu l'as écrite ta lettre? Non, je crois que je ne vais rien demander. Mais tu hésitais entre tellement de livres. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, peut-être que je suis malade. Son amie n'en croit pas ses oreilles. Pour Léo, les livres sont des trésors. Elle ne voit qu'un remède, la bibliothèque municipale, son endroit préféré. À 16h30, ils y filent. Mais une fois à l'intérieur, Léo ne réagit pas. Baya est dépitée. Il faut qu'on trouve pourquoi tu n'as plus envie de livres. Une voix chevrotante les interrompt. Je crois que ce livre pourrait vous intéresser. La bibliothécaire leur tend un vieux livre en cuir craquelé. Les contes des Gnifles. Baya l'ouvre sans tarder. Les Gnifles sont des esprits qui mangent les envies des gens. Elle s'arrête de lire et regarde son amie. Attends une minute. Comment la bibliothécaire savait? Je sais pas, moi. C'est son travail, non? Il est écrit que les Gnifles suivent les jeunes humains et dévorent leurs envies quand elles sont les plus fortes. Il paraît que si tu dessines un cercle de farine autour de toi, ils te laisseront tranquille. Le regard de Léo s'embrume. Alors, je n'aimerai plus jamais les livres? Bien sûr que si. Il faut qu'on parle à cet esprit pour régler le problème. Voici le plan. Tu vas faire semblant d'avoir envie de livres, tu vas en parler ce soir à tes parents et demain à tous les copains. L'esprit ne résistera pas à l'envie d'un nouveau repas. Après l'école, on rentrera chez toi pour écrire ta lettre et on le piégera avec de la farine. Le lendemain, lorsque Léo parle de ses cadeaux, il a la sensation qu'une petite flamme s'allume dans un coin de son cœur. Devant son bureau, face à sa feuille, une douce chaleur l'enveloppe. Mais au moment où il commence à écrire, un frisson le parcourt. Alors que son stylo se fait hésitant, Baya sort un sac de farine qu'elle explose entre ses mains. Une silhouette se dessine. Sans perdre une minute, Baya dessine un cercle autour. Un curieux démon cornu les fixe, l'air renfrogné. « Ce n'est pas très gentil !» Baya explose de colère. « Ah oui? Et c'est gentil de manger l'envie de livre de Léo, peut-être ?» Un air gourmand éclaire le visage de l'esprit. « C'est l'une des plus succulentes que j'ai jamais dévorées !»« Eh bien, vous allez arrêter tout de suite !»« Mais j'ai besoin d'envie pour vivre !» Il tombe à genoux, en pleurs. Un silence gêné s'installe. Baya regarde Léo en haussant les épaules. Soudain, une idée traverse l'esprit du garçon. Vous pourriez manger celle des méchants. Grâce à vous, ils pourraient devenir gentils. L'esprit bondit sur place. Vraiment? Si vous en avez envie. Un sourire accroché derrière les oreilles, l'esprit leur tend la main. Topez là! Un peu plus tard, Léo et Baya sont dehors. Le nez enfoui dans leurs écharpes, ils échangent des rires complices qui font sourire tous ceux qu'ils croisent. À la vue de l'énorme boîte aux lettres, ils redeviennent sérieux avant que Léo y glisse sa liste remplie d'envie. Thank you. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.